À l'occasion du 63e anniversaire de la grande victoire dans la guerre de libération de la patrie et du mois de la lutte commune anti-américaine du 25 juin au 27 juillet, le séminaire conjoint des partis politiques, des formations spéciales et d'amitié et des organisations d'études des étudiants du Népal a eu lieu le 16 juillet à Katmandou. Les orateurs ont dit que grâce à la direction éminente du président Kim Il-sung, les militaires et civils coréens ont infligé pour la première fois dans l'histoire la défaite honteuse aux États-Unis dans la guerre de Corée et condamné vertement la politique américaine d'hostilité, créant une tension grave qui risque de faire éclater une guerre à tout moment dans la péninsule coréenne.